Chapitre 8. La foi engendre la force. Le premier moment de joie passé, l'artiste devint rêveur. Comment, se disait-il, pourra-t-on transporter ce quartier de roches jusqu'à Münster? 100 chevaux ardents ne parviendraient pas à l'ébranler. L'enfant devina la pensée de Hansel. Vous vous préoccupez à tort, dit-il. Cette pierre n'est pas lourde, vous suffiriez à la conduire où vous voulez la travailler. L'artiste sourit. Emmanuel fit, sans effort, rouler à 20 pas le monolithe qui laissa derrière lui une profonde ornière. Quoi ? S'écria Hansel stupéfait. Je pourrais remuer un tel fardeau ? Vous le pouvez ? Le sculpteur, après avoir hésité quelques instants, s'approcha du marbre et lui donna une violente secousse. Le bloc se souleva mollement et retomba. « Votre confiance était imparfaite, dit l'enfant. Vous ne pouviez pas réussir. Toute votre force naît de la foi. Sans elle, rien n'est possible. Dieu marche à la droite du croyant et le soutient. Aussi ce dernier déplace-t-il plus aisément une montagne que l'incrédule un fétu. Essayez encore. » Emmanuel avait la voix si persuasive, son accent, bien qu'il fût le plus doux du monde, avait une telle autorité que le sculpteur n'hésita pas à recommencer l'épreuve. La pierre à peine effleurée recula. « Vous le voyez ? » dit l'enfant. « Les obstacles sont des lâches, la résolution les met en fuite. » Puis, se tournant vers Raphaël, « Vous enverrez ce marbre à la place que je vous ai désignée. Demain, dès l'aube, le maître et moi, nous voulons nous mettre à l'œuvre. » Un ouvrier chargea le fardeau sur son épaule et disparut. « Et en effet, mes enfants, il n'y a pas de force efficace sans la résolution et la foi. Incrédule et timide, Samson, dans les vignes de Thaumata, était dévoré par le lion qu'il déchira. Les portes de Gaza demeuraient closes, et les 1000 philistins qu'il assomma, armés seulement d'une mâchoire d'âne, s'emparaient de lui et le faisaient mourir dans les tortures. Celui qui doute est condamné. »